18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground. Et bonsoir. Il est l'heure de notre nouvelle émission Convergence. Vous êtes sur Croc Radio 89.5 FM sur Vienne et sa région. Une toute nouvelle émission sur la radio. On va commencer donc avec un petit morceau et puis on se retrouve dans quelques minutes. A tout à l'heure. on reprend l'antenne pour une petite présentation de Convergence. Alors Convergence, qu'est-ce que c'est ? Alors Convergence, en fait, c'est l'association de deux collectifs, Gavin et les médiateurs. En fait, on a fait la fête de la musique cette année sur Lyon. Et du coup, après cette fête de la musique, on s'est dit que c'était intéressant de travailler tous ensemble. Donc du coup, on continue avec le projet Convergence. D'accord, très bien. Donc WePlay Vinyl, médiateur électronique. Pour ceux qui ne connaissent pas, je propose un petit rappel. Alors, qui présente quoi, messieurs ? Alors, je parlais de WePlay Vinyl. WePlay Vinyl, en fait, on a créé ça avec David Dichtus, Sayag, monteur célèbre chez IKEA, sur une association donc, qui était spécialisée sur le vinyle. À la base, c'était un média dédié à la promotion de labels locaux sur Lyon qui faisait du pressage vinyle. Et après, on est parti sur de l'événementiel où on faisait de l'initiation vinyle. Et après, au fur et à mesure, l'équipe s'est étoffée avec Arnaud. D'accord, très bien. Je propose qu'on passe à Mediator Electronics. Alors, bien représenté aujourd'hui, deux de ses membres. Jo, la présentation. Bonjour, Johan Skorek, président de Mediator Electronics. Mediator Electronics est une association lyonnaise créée il y a plus de 10 ans. Son objectif est de défendre les valeurs d'une musique électronique de qualité dans un esprit ouvert d'échange et de partage. Vous trouverez plus d'informations sur notre page Facebook et le site internet à mediator-electronics.com. Je te remercie. Je propose qu'on présente un petit peu à nos auditeurs le programme de l'émission Convergence, désormais. Alors Convergence, ça sera comme nos prédécesseurs à qui on fait un joli petit coucou. D'ailleurs, on en profite toutes les semaines, tous les samedis, à la même heure, et donc animé par le crew Mediator Electronics. Et WePlay Vinyl. Jo, je te propose de présenter un petit peu l'émission Convergence. Alors, Mediator Electronics, WePlay Vinyl. Donc, qu'est-ce qu'on vous réserve cette année pour l'émission ? Alors, du coup, donc, pour l'émission, donc, c'est une émission d'une heure qui mettra en avant la musique et la culture électro underground. Donc, souvent des artistes qui mixeront en live et nous présenteront un peu leurs actus. Bon, peut-être que leur prochaine date de mix, de sortie, de collab. Bon, bref, vous avez compris, hein, ils font leur propre promo. Et dans cette émission aussi, nous vous présenterons les différentes soirées qui sont organisées tout au long de l'année, que ce soit dans la région Rhône-Alpes ou même sur toute la France. Nous aurons aussi la présentation du disque du mois en collaboration avec différents disquaires ou la pépite de l'artiste. Qu'est-ce que la pépite de l'artiste ? C'est simplement un vinyle ou une chanson qu'il n'aura pas écouté depuis longtemps, quelque chose qu'il apprécie. Voilà, c'est sa petite touche, je dirais, au niveau de l'humeur, c'est lui qui va décider. Voilà, donc c'est simplement ça un petit peu le programme de l'émission qu'on va vous présenter. D'accord, très bien. Je crois qu'également Convergence, la rentrée se prépare très fort avec un gros événement majeur. Est-ce que l'un d'entre vous veut bien nous en parler ? Arnaud peut-être ? Sylvain ? Du coup, oui, on travaille sur différents événements, sur des clubs sur Lyon. Donc là, on travaille pour une date le 16 novembre au Bellona, où on fait venir Just Munis, une DJ brésilienne. Très bien. Donc une grosse soirée à venir, vous avez retenu la date. Le 16 novembre, c'est un vendredi, c'est au Bellona Club. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Bellona Club, c'est un club qui est une péniche, qui se situe en face du musée des Confluences, donc au sud de Lyon. Une très très belle soirée donc à venir. C'est la première de Convergence et on espère que ça va super bien se passer. Allez, on enchaîne un petit peu avec de la musique, avec notre ami DJ Ictus, WePlay Vinyl, un premier disque. Turn away. and it cleanses lepers, saves sinners, and raises dead people. Dead people. bien, j'espère que ça vous a plu, cette petite heure de mix animée par les équipes WePlay Vinyl et Mediator Electronics. Alors, pas dans l'ordre, hein, c'était un back-to-back-to-back. On a eu le plaisir d'accueillir donc DJ Cus. On avait également donc Sylvain Cranigno. On avait bien sûr John Rod, que vous avez entendu tout à l'heure, et Yoz. Et puis on va enchaîner donc avec la rubrique suivante qui est la rubrique Agenda. Et oui, parce que l'émission Convergence, c'est aussi savoir ce qui se passe dans la région. Et Dieu sait s'il y a des soirées intéressantes. Ce soir notamment, plusieurs soirées sur la ville de Lyon. On commence au Sucre, à Confluence, avec la soirée Inexplored Places, avec Benjamin Damage et DJ Pimour. Donc Benjamin Damage, pour ceux qui ne connaissent pas, un DJ techno anglais, signé sur 50 Weapons ou encore Ernest Records. Donc une soirée résolument techno. On aura quelque chose d'un petit peu différent au Petit Salon avec la soirée Happiness Therapy qui accueillera Session Victim, donc les Allemands figure de proue de Delusion of Grandeur, le fameux label, et qui seront en plus en live ce soir. Ils seront accompagnés donc d'Emura, un artiste autrichien signé sur Toytronix et Let's Play House, dont vous entendez l'un des derniers morceaux qui est actuellement en fond sonore. Son dernier EP Soul Brothers sur Lost Palms est actuellement accueilli avec un franc succès. Il sera également accompagné du français Mathieu Faubourg, que je salue d'ailleurs personnellement, qui était hier au Babu Club de Marseille et qui enchaîne ce soir une deuxième soirée d'exception. Il releasera prochainement sur Metro Beirut Records, dont le premier EP est une compilation qui sortira au mois d'octobre. Au Bellona Club, vous retrouverez Fango, Lauer et Léonore. Fango, le fameux italien déjanté qui signe sur Degustibus Music, qui sera accompagné donc de Lauer, l'allemand moitié de Tough City Kids avec Gerd Johnson. Vous retrouvez au Ninkasi une soirée Acid and Rave avec Sterling Moss, Bleaching Agent et Stefan ZMK. Sterling Moss, figure de proue londonienne de la UK Techno, patron des labels Racetrax et Bodyshock. Bleaching Agent, qui nous provient donc de Leeds, un ex-producteur anonyme sous divers alias qui a décidé de passer un petit peu devant la scène. Au discret, vous retrouverez Clément Bonelli, Tutti et Muff Out. Clément Bonelli et Tutti, inutile de les présenter, de Lyonnais très connus. Clément, donc patron de Chrome Records, qui release actuellement Nuit Pluvieuse sur Tinit Music. Et Tutti, dont le dernier release The Saddest Condor et Hirokin a connu un franc succès également. A noter deux autres dates à l'épicerie moderne, ça sera dimanche. Broc 2000, 5e édition, une brocante de 9h à 17h qui mettra en scène beaucoup d'objets liés à la musique, des instruments, du matériel son, des vinyles, CD et cassettes. N'hésitez pas à y faire un tour, ça risque d'être fort sympathique. Et enfin, jeudi prochain, le 27 septembre, vous retrouverez Yoz de Mediator Electronics avec le petit nouveau Alexandre Bas. Et ça sera au Beast to Fly, vous savez où c'est, Lyon 1er arrondissement. Voilà! Eh bien écoutez, j'espère que cet agenda vous a convenu. On retrouve le morceau de Demura tout de suite. C'est parti Sylvain, merci. Like that. Merci à tous pour votre écoute donc, dans cette première émission Convergence sur Creux Radio. Et place maintenant à la toute nouvelle saison de l'émission Grooves. Merci à tous encore et à très bientôt. 18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground.